Comprendre la tentation, deuxième partie. Nous allons parler de la tristesse, de la joie et de la foi. Alphonse de Liguori a écrit « Ne craignons donc point les combats que nous avons à soutenir contre le monde et l'enfer si nous avons toujours soin de recourir à Jésus-Christ. » En parlant du diable et de sa chute, Jean-Nicolas Groulx a écrit « Il a conservé tout son orgueil et n'aspire qu'à se venger. C'est là son premier dessein. » Trop faible contre Dieu, il s'attaque à nous qui avons été destinés à le remplacer dans le ciel, lui et les anges rebelles, et il s'efforce de nous ravir le bonheur qu'il a perdu. Une certaine traduction du Proverbe 25:20 a été rendue ainsi. De même que les vers rongent les habits et le bois où ils se mettent, de même la tristesse ronge le cœur de l'homme. Comme le bois vermoulu n'est propre à aucune œuvre, qu'il ne peut plus rien supporter et qu'il tombe en ruine dès qu'on le touche, ainsi un homme rongé de tristesse devient incapable de toute bonne œuvre. Mais le mal ne s'arrête pas là. Ce qui est pire, c'est que la tristesse est cause de beaucoup de tentations, de chutes et de rechutes dans le péché. François d'Assise a écrit « La tristesse dans le cœur des chrétiens est un sujet de joie pour le démon, parce qu'alors il lui est aisé de les faire se tourner vers les plaisirs du monde. La tristesse est donc une retraite de démons. C'est pour eux une faiblesse à exploiter. De même que certains animaux attendent l'obscurité de la nuit pour sortir de leur tanière, de même les démons attendent que les ténèbres de la tristesse se répandent dans le cœur pour passer à l'action. Le malin n'a pas le pouvoir de nous perdre, mais seulement de nous y pousser. Si le démon ne peut nous faire tomber en tentation, il souhaite au moins qu'elle sera pour nous un sujet de tristesse. Reconnaissant cela, nous pouvons redoubler de résistance, faire preuve de hardiesse en nous revêtant de la force du Seigneur et faire de cette même tentation un sujet de tristesse pour le démon. La convoitise est un serpent qui mord sans bruit. Il est plus facile de ne pas regarder que d'avoir à lutter contre ce que l'on a regardé. Voir n'est pas un péché, mais regarder le devient. Par ses yeux, l'homme entre en tourment. Les yeux sont des fenêtres de voleurs. La convoitise rend faible celui qui l'entretient, et la faiblesse ainsi induite fait tomber. La sainteté n'est pas difficile, c'est la chair qui en a peur. Tourner la tête est une grâce donnée à tous en Jésus-Christ. La difficulté vient de l'habitude. Soyons patients, poursuivons la sainteté avec espérance jusqu'à ce qu'elle devienne à son tour une nouvelle habitude. L'âme humaine est fragile, et elle n'est jamais plus faible que quand elle est troublée. Et au contraire, lorsqu'elle est en paix, elle est forte et presque assurée de la victoire. Avant donc de vaincre l'ennemi, nous devons vaincre la mélancolie. La confession verbale de textes bibliques établissant notre autorité en Christ s'avère être une arme formidable contre les traits démoralisants de l'ennemi. Dans le mauvais jour, nous pouvons citer par exemple le texte suivant. « Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel je les taille en pièces. » Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Confesser ce texte de la bouche est une puissante arme défensive contre les sentiments moroses de la tentation. Saint Athanase a écrit « Le démon perd courage lorsqu'il voit que nous l'opposons, non avec nos propres forces, mais avec celles de Dieu lui-même. » Il est dangereux de trop craindre la tentation et d'en faire trop état parce que cela ne sert qu'à l'augmenter dans notre esprit et de lui donner plus de force. La crainte réveille l'imagination et les fréquentes réflexions sur une chose fait qu'elle s'imprime encore plus fortement dans l'esprit et qu'elle nous affecte davantage. Pourquoi ça? Eh bien, parce que la crainte suppose la défaite. La crainte nous fait sortir de la foi qui nous soutenait. Un peu comme Pierre qui se mit à avoir peur des vents et des vagues. Cette peur finit par le faire s'enfoncer. La tentation rend triste, et la tristesse suppose une défaite. La tristesse fait baisser les bras. Nos pieds, rendus pesants, se laissent rattraper par leur ancien péché. D'où l'exhortation de Paul, « Soyez toujours joyeux, et vous ne serez jamais vaincus, frères et sœurs. » Augustin a écrit, « Le démon est comme un chien enchaîné à une attache, et qui ne peut mordre que ceux qui s'approchent de lui. Il peut aboyer, il peut faire peur, mais il ne peut mordre que celui qui veut bien être mordu. » Il faut simplement et résolument nous tenir au large. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, Jésus nous a placés lui-même au large. Psaume 18:20. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Voyez-vous, Dieu s'attend maintenant de nous à ce que nous y demeurions au large. Psaume 119:45 dit « Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. » Péché entraîne des malaises de conscience très douloureux avant, pendant et après le péché. Les remords sont lourds, ils demeurent pendant des jours, des semaines et des mois. Celui qui a goûté combien le Seigneur est bon ne veut plus perdre cela. S'il pêche, il perd la communion avec Dieu. Il est livré à tous les tourments et son état d'esprit fait de lui la plus misérable créature de la terre. Comme une tentation m'assaillait, je me suis mis à prier et la grâce de Dieu m'est venue en aide en me soufflant ce que je devais dire. Mon Dieu, jouir d'un péché qui chasse ta présence n'est plus un plaisir, mais une mort, et je ne veux pas être là où tu n'es pas. À ces dernières paroles, la tentation s'est enfuie de moi. Alors résistez à la tentation en utilisant l'arme de l'amour de Dieu. Il y a là une véritable mine de force. Dieu n'a pas voulu que ses enfants soient laissés sans tentation. Elles sont bonnes en ce qu'elles maintiennent en nous l'humilité reliée à notre humanité. Il est bon pour l'âme de sentir qu'elle est reliée à la terre. Les tentations éclairent l'âme sur sa misère et la préservent d'un sot orgueil. Un chrétien qui n'a plus de péchés contre lesquels lutter tombe dans la tiédeur ou l'orgueil de la propre justice. Il y a des raisons pour lesquelles Dieu laisse des endroits où nous n'avons pas une victoire totale dans nos vies. Les attaques les plus cruelles, les plus grandes et les plus dangereuses menacent les personnes les plus avancées dans la perfection. Mais il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Une autre traduction possible est celle-ci, « Il nous fera tirer avantage de la tentation même. » Saint Éphrem, au IVe siècle, a écrit, « Si les hommes n'ont pas la cruauté de charger leurs bêtes de somme de plus lourds fardeaux qu'elles ne peuvent porter, à bien plus forte raison, Dieu qui aime tant les hommes ne souffrira pas qu'ils aient à subir des tentations auxquelles ils ne sauraient résister. Comme Samson a rencontré un lion sur le chemin et qu'il l'a déchiré, et que peu de temps après il trouva du miel en son intérieur, ainsi supportons courageusement la tentation, surmontons-la, et nous verrons ensuite quelle douceur spirituelle intérieure nous en retirerons. La tentation est une sorte d'étau spirituel avec laquelle l'ennemi fait pression sur notre volonté. Notre amour pour Dieu se mesure souvent par les efforts que l'on met à ne pas obéir aux inductions de la chair. Ce sont nos réactions devant la tentation qui permettent au Seigneur de reconnaître ses vrais amis. Et Dieu sait récompenser ses amis. L'âme humaine est composée d'une partie supérieure et d'une partie inférieure. La tentation s'en prend toujours à la partie inférieure de l'âme, car c'est la plus faible. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes tentés, une partie de nous-mêmes est attirée par la tentation et qu'en même temps nous sommes tristes d'être tentés, car notre cœur appartient aux choses d'en haut. Ne soyons pas tristes d'être tentés. Réjouissons-nous au contraire. Cette tristesse fait la preuve que le péché nous déplaît, que nous aimons le Seigneur et que nous avons à cœur de lui plaire. Aujourd'hui, j'ai éprouvé une tentation tenace. Cette tentation m'a grandement attristé, car chaque tentation est un peu le reflet de nos propres désirs secrets, mais gloire et grâce à Dieu, il me fit comprendre que cette tristesse était une tristesse selon Dieu. En effet, cette tristesse d'être tenté est le témoignage de l'Esprit à notre conscience que notre cœur ne prenait pas plaisir au péché que notre chair nous invitait à commettre. J'ai ressenti de la joie de ce que ma tristesse était en fait devenue mon avocate auprès du Seigneur, plaidant mon déplaisir au péché. J'ai eu la victoire sur cette tentation et ma tristesse s'est changée en une joie sereine. Parlons maintenant de la défiance de soi-même. Alphonse de Ligorie, au XVIIIe siècle, a écrit « Celui qui se défie de lui-même et se confie en Jésus-Christ acquiert par son secours une force invincible. » La vertu se perfectionne dans la faiblesse. Toute la perfection de la vie présente consiste toujours à reconnaître d'abord ses imperfections. La connaissance et l'expérience de notre faiblesse sont nécessaires à notre sanctification. Elles en sont les bases obligatoires. Cette connaissance produit en nous une juste et sage défiance de nous-mêmes. Méfiance, retenue et réserve sont de mise à l'égard de tout ce qui émane de nos pulsions humaines. Une sainte défiance nous conduira à veiller, à prier, à attendre tout de Dieu et rien de nous-mêmes. Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, a écrit « Une âme qui ne présume point de ses forces, mais qui est fortifiée par Jésus-Christ, pourra devenir tellement maîtresse d'elle-même qu'elle ne se laissera dominer par aucun péché. » C'est pas beau, ça? Il y a vraiment de grandes richesses dans la littérature catholique. Énormes richesses. La sainteté prime sur tout. Tout ce que nous faisons en état de péché est sans mérite pour le ciel. Une telle conduite est au contraire doublement coupable et digne de châtiment. La grande préoccupation d'un chrétien doit être de vivre en état de grâce. L'une des plus grandes grâces que Dieu fasse à un homme qui tombe dans le péché, c'est de l'affliger aussitôt par des remords de conscience. C'est une marque que Dieu vous aime et que vous êtes du nombre de ses élus lorsqu'il vous afflige et vous tourmente de vos fautes. Les réprouvés ont la conscience cautérisée et rendue inactive. Quand le péché n'est suivi ni de remords ni de châtiment, c'est une marque que Dieu est extrêmement irrité et que l'une des plus grandes punitions qu'il inflige au pécheur est de le laisser en paix. Les remords sont les grâces dont il favorise ceux qu'il aime. Alphonse de Ligorie a écrit ceci. « Pour persévérer dans le bien, nous ne devons pas nous fier aux résolutions que nous avons prises, ni aux promesses que nous avons faites à Dieu. Dès que nous comptons sur nos propres forces, nous sommes perdus. C'est dans les mérites de Jésus-Christ que nous devons placer toute notre espérance pour nous maintenir dans l'état de grâce. Son secours nous fera persévérer jusqu'à la mort. Fussions-nous combattus par toutes les puissances de la terre et de l'enfer. Quelquefois, sans doute, nous nous trouverons tellement abattus et assaillis de tant de tentations que notre ruine nous paraîtra presque inévitable. Gardons-nous alors de perdre courage et de nous abandonner au désespoir. Recourons à Jésus crucifié et il nous empêchera de tomber. » Fin de citation. Dieu n'initie jamais les premiers efforts. C'est le choix et la responsabilité de l'homme que de travailler à sa sanctification. Saint Augustin a écrit « Celui qui nous a sauvés sans nous ne nous sanctifie pas sans nous. » Alors si nous démontrons la bonne volonté de nous prévenir nous-mêmes contre notre faiblesse en fuyant les occasions, Dieu viendra à notre secours par la suite, et non l'inverse. La grâce de Dieu est toujours au rendez-vous de ceux qui ont des désirs sérieux, vigoureux et énergiques. La tentation n'est pas toujours le signe d'un désir secret de péché, mais n'est souvent uniquement qu'un mouvement naturel de la chair. Sentir que la chair a de l'attrait au péché ne signifie pas que nous en ayons un désir véritable. Malgré nos meilleures intentions, la chair demeurera toujours extrêmement sensible aux suggestions du péché. Il faut apprendre à nous fuir nous-mêmes et à déraciner les occasions. Il faut reprogrammer notre volonté. Parlons de la fuite des tentations. Dans ce domaine, l'honnêteté et la sincérité de cœur de ne plus pécher ne sera pas suffisant lorsque vous aurez affaire à des vices tels l'alcoolisme, la toxicomanie ou toute autre forme d'addiction, car des esprits malins sont en cause et ni les forces humaines ni la sincérité ne sont assez grandes pour les vaincre. Il faut obtenir la délivrance par intervention divine. Ensuite, il faudra de nombreux efforts pour couper les occasions de chute, car malgré notre bonne disposition de cœur, notre chair demeure incroyablement facile à séduire. La tentation, lorsqu'elle n'est pas fuie, nous sidère rapidement, nous séduit et nous fait rechuter. Ainsi peuvent être séduits les meilleurs cœurs, les meilleurs d'entre nous. Jean-Nicolas Grou a écrit « Si ta faiblesse est extrême et si tu te sens incapable de résister, cette crainte te portera à fuir et à mettre ton âme en sûreté loin du danger. » De même qu'un homme qui serait couché au pied d'un arbre et qui verrait venir à lui une meute de loups, monterait aussitôt en haut de cet arbre pour se mettre à l'abri, de même un croyant se voyant environné de tentations doit fuir immédiatement toute occasion. C'est inutilement que le démon jettera devant vous ses filets si vous prenez les ailes de la fuite. En vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, dit l'Écriture, en Proverbe 1, 17. Une sage crainte doit nous animer devant la moindre tentation, selon qu'il est écrit, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair, Jude 23. La tunique n'est pas la chair, mais elle touche de près à la chair. De même, soyons sages et fuyons tout ce qui touche de près ou de loin le péché ou qui pourrait y induire. Il nous faut non seulement nous garder du péché, mais aussi de sa périphérie. Celui qui se baigne les pieds dans un torrent sera bientôt emporté par le courant, dit le vieux proverbe. Fuyons l'ombre même du péché. Devant un ennemi plus fort que nous, la fuite est une stratégie. Le proverbe 22:3, traduction Spiorel. L'homme prudent voit la calamité et se met à l'abri, mais les insensés qui avancent en souffriront. Il est écrit « Fuis les passions de la jeunesse ». Joseph, le patriarche, acquit plus de gloire en se commandant lui-même et en résistant aux sollicitations de la femme de Potiphar qu'en commandant ensuite à toute l'Égypte. S'arrêter devant la tentation sans la fuir est un acte de folie. Prier sans fuir la tentation est toujours de la folie. Fuyez l'occasion de chute et vous aurez ensuite tout le loisir de prier. Ne vous attardez pas à prier agenouillé aux côtés de la tentation, ce serait une folie. Priez en même temps que vous fuyez. Ne priez pas sur place, priez en fuyant. Si c'est dans votre maison que vous êtes tenté, sortez de votre maison, allez prendre une longue marche, allez voir quelqu'un, mais sortez du milieu où vous êtes tenté. À cause de certaines circonstances, il y a des tentations qui ne peuvent pas être fuites physiquement. Si telle est la situation, acceptez-la comme étant la volonté de Dieu, il veut vous élever à une dignité plus haute et plus méritoire à ses yeux. Tout ce que nous ne pouvons pas changer doit être réinterprété. La volonté de Dieu se trouve souvent là où nous ne l'aurions jamais placée. Les tentations forgent l'âme comme le feu amollit le fer. Dieu veut forger notre caractère. La tentation est souvent le marteau qu'il emploie. La faiblesse n'est pas notre ennemi. Se sentir faible nous rend malléables. Dans les occasions inévitables, ne craignons rien. Celui qui ne se sera pas engagé de lui-même dans la tentation sera soutenu au milieu d'elle. Alphonse de Ligorie a écrit « Celui qui met sa confiance dans le Seigneur devient fort comme une montagne. » Faites mourir vos péchés. L'Écriture dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Colossiens 3:5. Faire mourir sous-entend un effort patient. De même que Christ a souffert une longue agonie sur la croix avant de mourir, de même notre chère pécheresse s'accroche à sa vie pendant un certain temps avant de mourir et que nous ayons la victoire sur elle. Notre chair meurt toujours d'une mort plus ou moins lente, telle la mort par asphyxie. On sait que l'asphyxie a été la cause principale du décès de notre Seigneur sur la croix, après la perte de sang, bien entendu. Le manque d'oxygène fera se débattre la chair pendant un certain temps, et plus elle perdra ses forces, moins vous aurez à lutter durement. Au bout d'un certain temps, la mort prendra finalement effet. Saint Augustin a écrit, « C'est pour nous encourager à résister avec confiance aux tentations jusqu'à la fin que Jésus-Christ ne voulut descendre de la croix qu'après y avoir laissé la vie. C'est pour nous instruire et nous fortifier par son exemple que ce divin maître a voulu rester ainsi sur la croix. Il est utile pour triompher dans les combats spirituels de les prévoir dans nos méditations du matin en nous disposant d'avance aux attaques qui peuvent vouloir nous surprendre durant la journée. On ne prend jamais assez de précautions lorsqu'il s'agit de risquer l'éternité. Car qui sait si une chute n'en entraînera pas plusieurs autres et que finalement nous décidions dans notre démence de nous laisser vaincre et de nous y livrer volontairement jusqu'en enfer. Jean-Nicolas Grou a écrit « Tout secours nous vient du Seigneur, et il ne l'accorde qu'à la vigilance et à la prière, et il ne le refuse jamais à ces deux choses réunies. La vigilance sans la prière est inutile, parce qu'en nous montrant le péril, elle ne nous arme pas contre lui. La prière de même est de nul effet sans la vigilance, parce que nous n'avons point de secours à espérer du ciel dans les tentations qu'il eût dépendu de nous d'éviter. Ne les séparons donc jamais l'une de l'autre, et tenons pour une maxime qui embrasse toute la conduite spirituelle cette parole du Sauveur, veillez et priez. » Fin de citation. Une chère croyante m'a rendu ce témoignage un jour. Moi, j'ai des pensées que je n'aime pas avoir. D'où viennent-elles? Je suis obligé de toujours surveiller ces pensées qui me dérangent. Être tenté prouve déjà que nous n'appartenons pas aux démons. En être dérangé prouve que nous aimons le Seigneur, et travailler à les repousser prouve cette citoyenneté céleste. Il arrive que repousser les tentations mentales s'avère impossible. Il faut alors les combattre avec la parole, en prononçant à haute voix un passage biblique qui exhorte à son contraire. Par exemple, sommes-nous tentés par l'alcool? Prononçons ce texte. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Éphésiens 5, 18. Sachant que certaines tentations qui se prolongent exigent une sorte d'héroïsme renouvelé à chaque instant. Alors, en période de paix, préparez vos armes pour l'heure de la tentation. Voici maintenant une leçon excessivement importante. Il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Dieu, dans son plan souverain, a donc mis un terme à la durée de nos tentations. Mais lorsqu'il s'agit de tentations reliées à une addiction, il faut se rappeler que des esprits mauvais sont en cause. Par nature, le diable ne se soumet pas aux lois de Dieu. Il arrivera que l'ennemi ne respecte pas cette limite divine et vous accable d'obsessions plus grandes que vos forces. Ce sera le moment alors de crier au Seigneur de toutes vos forces, de prier comme un coup de canon, « Seigneur, sauve-moi, je ne peux pas supporter ça, c'est au-delà de mes forces. » Ce sera le moment d'utiliser l'arme de la prière de supplication. Et il n'y a rien qui résiste à ça. Si vous avez le courage de vous jeter sur vos genoux et employer l'arme de la prière de supplication, vous serez vainqueur en tout temps. Jean-Nicolas Grou a écrit « Oui, Seigneur, j'espère que vous garderez mon âme comme la prunelle de votre œil, pourvu que de mon côté je tienne mes yeux attachés sur vous. Que je sois attentif au moindre signal de vos volontés, prompt et fidèle à les exécuter, car vous ne me garderez pas sans moi. » Dieu ne fera pas de miracle pour sauvegarder une âme imprudente. Parlons maintenant des habitudes saintes. il faut développer des habitudes saintes. Comme nous avons développé nos défauts par l'habitude, eh bien, il faut développer des habitudes saintes pour les contrefaire. Fortifions notre âme contre la tentation, car elle est si faible. La tentation est une pente. Si elle ne s'avère pas très à pic au commencement, elle le devient très rapidement. Avant que nos pieds glissent et que nous y tombions, fuyons-la aussi rapidement que possible. Thomas à Kempis a écrit « Combattez courageusement. Une mauvaise habitude n'est surmontée que par une habitude contraire. » L'habitude de pécher est un réel problème. Jérémie a dit « Comment pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? » Jérémie 13, 23. Vous voyez l'accoutumance, là, l'habitude. Cette image ne signifie pas que la sanctification soit impossible, mais qu'elle sera dans certains cas très difficile. L'habitude de pécher prise au cours des années le rend plus tenace et plus difficile à oublier. L'habitude à commettre un certain péché rendra ce péché toujours plus facile à pratiquer et toujours plus difficile à renoncer. Mais l'inverse est heureusement vrai en ce qui concerne la pratique de la sainteté. Résister à une tentation nous rend plus fermes pour résister à la seconde et ainsi de suite. Le croyant en viendra à développer des habitudes saintes qui ne seront guère plus difficiles à suivre que les anciennes. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La sainteté est la seconde nature du croyant. Nous n'avons pas à la fabriquer parce qu'elle est déjà en nous. Christ l'a déjà placée en nous. Avec le temps et la fidélité à pratiquer la justice, elle deviendra de plus en plus naturelle, voire même facile, et même agréable à pratiquer dans la majorité des cas. Que le croyant ne se rebute pas, qu'il ne désespère pas. Les conversions solides se font ordinairement par degrés. Ainsi donc, chaque petite victoire nous rapproche d'une grande victoire finale, celle que le Seigneur nous promet en cette vie même. Hébreux 12, 12, 13, un verset très important concernant l'habitude de sainteté. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Voyez-vous l'habitude qui rend fort. La vertu en tant qu'habitude se fait et se défait par les actes multipliés. La volonté se développe comme la mémoire. Tendez des désirs soutenus vers l'affermissement de votre volonté. L'habitude est le plus grand secours de la volonté. Je vous donne la garantie qu'il luira le jour où vous aurez vaincu tant de fois que l'habitude de vaincre aura succédé à celle de défaillir. Bossuet a écrit « La vertu se tourne en habitude par la pratique ». Une âme qui aime Dieu sera forte dans les tentations, courageuse dans les épreuves, inébranlable parmi les vicissitudes de la vie intérieure et extérieure. Si elle n'est pas tout cela encore, elle parviendra à l'être avec le temps et par sa fidélité. Il est même impossible qu'elle n'y parvienne pas, car elle est sous la direction de Dieu qui règne en elle. Le Seigneur demeurera avec elle et l'aidera en faisant un ministère dans son cœur durant les heures de culte et durant ses périodes de prière personnelle. Quand le Christ habite une âme, il est impossible qu'elle ne se fortifie pas. Jean-Nicolas Groulx a écrit « Soyez fidèles aujourd'hui, afin de vous disposer à l'être encore plus demain. Fortifiez et enracinez vos bonnes habitudes par des actes réitérés. Craignez les suites de la moindre négligence, allant de vertu en vertu et rendant aussi chaque jour vos fautes plus légères et plus rares. » Voici un exercice qui vous fortifiera contre la tentation. Parlez souvent contre le péché qui vous fait particulièrement la guerre. Parlez de lui avec mépris et secouez vos vêtements de sa poussière et décriez-le, parce qu'à force de parler contre quelque chose, nous nous excitons à la haïr. En parlant ainsi, vous vous engagez, en quelque sorte, sur votre honneur, à le fuir et à cultiver la vertu contraire, et vous affaiblirez son pouvoir sur vous. Également, parlez souvent en faveur de la pureté et du détachement au péché qui vous tourmente. Vos paroles vous consacrent et vous fortifient dans le bien et le pur. Lorsque nous demandons au Seigneur de nous fortifier contre le péché, il nous envoie des tentations afin que notre résistance à celles-ci nous fortifie dans la sainteté. Chaque tentation vaincue nous enracine davantage dans la sainteté. Le Seigneur agit ainsi pour que la victoire devienne une habitude. Ceux qui ont acquis l'habitude de la vertu la pratiquent alors sans peine. C'est donc par les tentations que la vertu jette en nous les plus profondes racines. Une tentation tenace est un frottement irritant, mais à la fin, la victoire est douce. Bernard de Clairvaux a écrit « J'ai cessé de vivre pour moi-même depuis que je sais que Jésus-Christ a daigné mourir pour moi en prenant sur lui la peine de mort qui m'était due. C'est pourquoi je suis mort à toutes les choses du monde. Je suis inattentif et insensible comme un mort à tout ce qui n'est pas Jésus-Christ. » Voilà un saint qui peut dire avec Paul « Ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. » Nous voyons qu'une victoire totale et générale sur tout est possible. Parlons maintenant de la porte étroite. Jésus a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui y trouvent. » Quiconque envisage toute l'étendue des préceptes de la morale chrétienne ne peut qu'être effrayé d'abord par son austérité. C'est ce premier aspect qui en éloigne tant de gens. Moi, je demande d'abord au jugement de qui cette porte est étroite, car si elle est étroite pour la chair, elle devient très vite large pour le cœur qui aime Dieu. Nicolas Gros a écrit « La première porte est large au commencement, et elle n'offre d'abord que des fleurs, mais ensuite elle va toujours se rétrécissant, et elle ne présente plus que des épines. La seconde, au contraire, est étroite à l'entrée, s'élargit à mesure qu'on avance, et que, d'âpre et raboteuse qu'elle était, elle devient unie et facile. Or, c'est une maxime dictée par la sagesse qu'il vaut mieux commencer par la peine et finir par le plaisir, que de commencer par le plaisir et de finir par la peine. Le péché, c'est une séparation volontaire de Dieu. C'est une folie de l'âme qui gaspille ses trésors. C'est une hémorragie et une ingratitude qui outrage l'amour de Dieu. Tournons-nous humblement et avec amour vers celui dont nous avons blessé l'amitié. Renouvelons nos bons sentiments et notre bonne volonté à suivre des voies droites. Pour les péchés de racine, l'état de grâce suppose un haut degré d'amour pour être conservé. Les âmes qui voient dans le péché une offense à Dieu et un mépris à son amour se relèvent plus promptement et d'une façon plus durable. C'est là sans doute ce qui explique qu'après tant de confessions et de résolutions apparemment sincères, on enregistre encore de si nombreuses rechutes. Vincenzo Carafa, au XVIIe siècle, a écrit « Pour réformer toute notre vie, nous devons nous adonner entièrement à l'exercice de l'amour divin. » Et il y a là beaucoup de sagesse, mes amis. Nicolas Gros est du même avis. Un amour qui déploie toute sa force élargit l'âme, agrandit sa capacité, et en l'étendant, s'étend lui-même avec elle. Alors on dira à Dieu comme David que « Loin d'être étroit et gênant, vos préceptes sont d'une largeur extrême et j'ai couru dans la voie de vos commandements après que votre grâce ait dilaté mon cœur. » Psaume 119, 32. 1 Jean 5, 3, 4 dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Ce qui est sous-entendu ici et qui n'est pas dit, c'est qu'avant le triomphe final, il y a de nombreux combats, de nombreuses défaites, de nombreuses chutes et rechutes, et beaucoup de relèvements. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. L'apôtre Pierre nous engage à nous armer du souvenir continuel de la passion de Jésus-Christ. En effet, le seul souvenir de la passion est une puissante défense contre toutes les tentations de l'enfer. Alphonse de Ligorie a dit « Tous ceux que les tentations ou de violentes passions mettent en danger de se perdre, trouvent un abri sûr au pied de la croix. La vue de Jésus crucifié nous console et nous soutient dans les souffrances. » Quelle est douce la voix de l'amour, disait la jeune Thérèse Martin. La sainteté est à base d'amour. Si vous retombez dans les mêmes fautes, ne vous découragez jamais. Prenez conscience de votre faiblesse. C'est excellent. La faiblesse creuse en nous le précieux fondement de l'humilité. Nicolas Gros a écrit « Ne nous rassurons pas trop par nos victoires passées. Ce n'est pas nous qui les avons remportées, c'est la grâce. La faiblesse est toujours notre unique partage. » Il ne sert à rien de désespérer et d'aggraver ainsi une situation. Il suffit de la constater et dans l'humilité nous placer devant Dieu. Mais en même temps, tournons-nous avec une confiance plus grande que jamais vers notre Père du ciel. Dieu ne s'étonne pas de nos chutes. Il est toujours content de nous en relever et de nous les pardonner. Sanctifions-nous avec sérénité et purifions-nous dans la paix. Dieu n'est pas un propriétaire d'esclaves, mais un Père. Il nous donnera toujours le temps dont nous avons besoin pour nous sanctifier. Il ne placera jamais de date limite, ni ne nous lancera d'ultimatum. Les défauts qui déplaisent sont des défauts en voie de guérison. Le Père de Lamennais a écrit « Vous seul, mon Dieu, vous seul, n'abandonnez point ceux qui espèrent en vous. Toujours vous êtes près d'eux pour les soutenir et les consoler. Jamais vous ne vous lassez d'entendre leurs gémissements, d'écouter leurs plaintes, de recueillir leurs larmes. Rien n'est au-dessus de votre tendresse. » En conclusion maintenant, les grandes tentations font les grands saints. Aux prises avec des tentations latentes, une pensée m'est venue à l'esprit qui m'a réconforté. L'esprit me dit que malgré l'inconfort presque constant que j'avais à éprouver cette tentation, je pouvais en tirer la consolation suivante. Contrairement à beaucoup de croyants, moi j'avais cette croix à porter. Moi j'avais quelque chose de douloureux à offrir au Seigneur pour lui prouver mon amour et ma fidélité, tandis que bien d'autres n'avaient pas cette chance. Je regarde mes tentations comme des richesses, comme des offrandes potentielles que je peux offrir au Seigneur en sacrifice de bonne odeur. Tandis que si je n'éprouvais jamais aucune tentation, j'aurais les mains vides et je n'aurais rien à lui offrir à l'heure de la prière. Voyez-vous comment regarder les choses d'un autre œil peut tout changer? Quand Dieu permet à un homme cette sorte d'apprentissage dans la guerre spirituelle, c'est d'habitude pour le rendre plus tard propre à la direction d'autres âmes. Pierre a probablement été l'apôtre le plus faible devant la tentation de le renier. Et pourtant, c'est lui que Jésus choisit pour lui succéder et conduire son troupeau. Les troisième, quatrième et cinquième promesses des alcooliques anonymes se lisent comme suit. Nous ne regretterons pas plus le passé que nous voudrons l'oublier. Nous comprendrons le sens du mot « sérénité » et nous connaîtrons la paix. Si profonde qu'ait été notre déchéance, nous verrons comment notre expérience peut profiter aux autres. Préceptes pleins de sagesse et qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle autre faiblesse dans nos vies. J'aimerais prier pour finir. Seigneur, fais-nous souffrir de nos péchés pour que nous apprenions à les haïr et à coopérer avec l'Esprit sanctifiant. Fais-nous souffrir de notre folie et nous ne fuirons plus la correction. Fais-nous souffrir de notre tiédeur, et nous ne fuirons plus la prière. Mets tous nos péchés devant nos yeux, pour que nous en contemplions toute la laideur, et que nous les vomissions. Plus nous souffrirons de nos péchés, plus nous aspirerons à la sainteté de nos vies. Amen. Quand les tentations se multiplient et nous désorientent, quand nous gémissons sous l'aiguillon du désir, l'existence des saints est pour nous une consolation et une source d'espoir. Nicolas Gros a écrit « Ô mon Sauveur, protégez-moi dans cette longue guerre qui ne doit finir qu'avec ma vie. Amen. »